Tocqueville, La démocratie en Amérique, par Eugène Pelletan. Napoléon venait de vendre la Louisiane aux États-Unis. Cette vente jeta la colonie dans un accès de terreur. « Et quoi ? » disait-elle. « Napoléon abandonne à elle-même ma population et la condamne, contre sa propre nature, au régime du peuple américain. Elle sera libre demain au même titre et de la même liberté. » « Comment, libre ? Bien plus encore, souveraine dans toute la plénitude de l'expression. Plus de métropole, plus de police, plus de censure, plus de force armée. Si elle veut un gouvernement, elle le fera. Une police, elle la choisira. Une justice, elle la nommera. Une milice, elle prendra le fusil. Mais c'est l'anarchie, cela. C'est la licence. C'est le pillage à un jour donné. C'est le communisme. Qui pourra vendre ou acheter quand le gouvernement sera dans la rue, aux caprices de la multitude ? Le gouvernement, ce sera moi. Ce sera toi, ou plutôt, ce ne sera ni toi ni moi, ce sera le souffle du moment, ce sera le hasard. Et comme il n'y aura aucune providence sous forme de baïonnette pour forcer l'un à reconnaître ce que l'autre aura volé, j'égorgerai mon voisin, ou mon voisin m'égorgera. Il est vrai que l'Américain pratique en toute sérénité le self-government et le suffrage universel, mais l'Américain est anglais d'origine et je suis français. Or, quand Dieu créa l'homme, il prit sans doute, dans un moment d'inadvertance, deux espèces de limons. Du premier limon, il fit l'anglais pour être libre, et du second, le français pour être sujet. Il dit à celui-là, tu seras le blanc, à celui-ci, tu seras le nègre en fait de liberté, et si je n'écris pas à l'encre sur ton visage ton infériorité de nature, je l'écrirai en idée au fond de ton esprit, de sorte que sur le témoignage de ta conscience, tu seras toujours tenté de crier le premier, ta propre indignité. Voilà ce que disait la Louisiane le jour même où la fortune lui remettait dans la main la direction de sa destinée. Elle recula de frayeur devant son indépendance. Elle était entrée cependant dans la République et forcée d'être libre pour la minute. Elle essaya un premier pas dans le sens de la démocratie. Elle comptait que la terre allait crouler. Le sol ne croula pas pour cette première fois. Elle avança encore en tremblant d'une semelle. Le sol la portait toujours comme par miracle. Elle croyait rêver, et pourtant elle marchait. Elle vit qu'elle marchait. Elle marcha encore pour en avoir la certitude. Elle alla timidement d'abord, mieux ensuite, sans trébucher un instant dans l'anarchie ni dans la licence. À mesure qu'elle allait, le spectre du premier moment tombait de son regard. Elle administrait à frais communs son héritage, et à force de l'administrer, elle apprit à mieux le connaître. Elle grandit en prospérant. Elle prit confiance en elle-même par le spectacle de ses progrès. Elle répara le temps perdu. Elle paya de rapidité. Elle finit par rallier les autres États partis une heure plus tôt au cadran de la Providence. Il y a 50 ans de cela, et déjà, par la seule puissance du self-government, la population de la Nouvelle-Orléans a monté du chiffre de 6 000 âmes au chiffre de 150 000 âmes. La Nouvelle-Orléans était une bourgade. Elle est aujourd'hui une capitale. Elle faisait à peine 1 000 000 d'affaires. Elle exporte en ce moment pour 500 000 000 de denrées. Dites maintenant que pour porter dignement le régime américain, il faut être né d'un autre père que d'un père français. Qui a fait ce miracle ? La liberté, car la liberté est la force productive non seulement de toute vertu, mais encore de toute richesse. Elle est une âme de plus dans l'humanité. Elle lui verse une énergie de plus pour le travail. Elle provoque la volonté, et par la volonté, l'action. L'homme libre est l'homme multiplié autant de fois qu'il a d'œuvres ouvertes à son regard. Il peut tout ce qu'il peut, et partout, et sans cesse, par son propre pouvoir. Sa valeur personnelle est toujours la mesure invariable de sa destinée. Il relève uniquement de Dieu, et de son droit dans sa magnifique royauté. Il est roi aussi, car un roi, à tout prendre, est l'homme libre dans toute la plénitude de la liberté. Tour à tour travailleur, citoyen, agriculteur, actionnaire, électeur, élu, gouvernant, gouverné, juge, justiciable, prêtre et fidèle, l'Américain vit de plusieurs vies étagées à l'infini, qui toutes agissent et réagissent les unes sur les autres, comme des assises de métal dans la pile de Volta. Par la même raison que la vitesse engendre la vitesse, l'activité engendre l'activité. Le peuple le plus libre, par cela seul qu'il est le plus libre, est en même temps le peuple le plus vivant, et le plus vivant le plus riche, et le plus riche le plus intelligent, puisque la richesse est la vie traduite en production, et la vie traduite en production, la vie dispensée de produire une seconde fois, par conséquent réservée par le loisir à l'intelligence. La philosophie peut donc affirmer hardiment cette loi de nature. L'aisance d'un peuple est en raison directe de sa liberté et sa pensée en raison directe de son aisance. Il n'y a pas encore eu à la lumière du soleil un exemple, un seul, entendez-vous bien, d'un peuple riche sous la main du despotisme. Toutes les fois que le voyageur rencontre quelque part une campagne aride couverte de jachères, une ville ruinée déjà morte aux extrémités, il n'a pas besoin de demander aux passants le nom du gouvernement. Il traverse à coup sûr en ce moment ou la campagne romaine, ou l'Espagne, ou l'Autriche, ou la Turquie. La race des écus demande aujourd'hui, comme la Louisiane autrefois, le retour du despotisme. Je voudrais le lui donner un instant s'il ne fallait pas affamer tout un peuple pour la punir de son impiété. Elle retournerait bientôt, dans l'intervalle tout au plus d'une génération, à l'ancienne misère de la monarchie. Car la servitude, on ne saurait trop le redire, est une mutilation partielle de l'homme dans telle ou telle autre faculté. Elle est par conséquent, pour toute la classe correspondante à cette faculté, une suppression de la force productive du travail. Dispensée du droit de vouloir, elle repasse au gouvernement sa volonté. Le gouvernement veut pour elle désormais à sa place, dans son esprit. Il la prend à forfait pour l'indemniser de l'expropriation forcée de son activité. Il crée en sa faveur la sinécure plus ou moins déguisée sous le nom poli de fonction. Il met une partie de la nation au régime indulgent de la sportule. Il multiplie indéfiniment la place pour multiplier l'aumône. Il crée la mendicité particulière du mandarinat sur une immense échelle. Il appelle chaque jour une population vagabonde à venir tendre la main à la porte de son antichambre. Il fait de ce fonctionnarisme à outrance un atelier national destiné à nourrir l'oisiveté de la classe lettrée. De conséquence en conséquence, il arrive à transformer, comme en Russie, le peuple tout entier en un vaste fonctionnaire à 14 degrés. Mais le fonctionnaire consomme sans produire et appauvrit d'autant la reproduction d'un pays. Ici encore, la philosophie peut donc hardiment affirmer cette autre loi de nature. La misère d'une société est en raison directe de sa servitude, et le chiffre de la population nourrie par l'État est en raison directe de sa misère. Voilà la conclusion que nous trouvons écrite à chaque page du livre de M. de Tocqueville. L'Américain est grand au jour de Dieu parce qu'il est libre. Il ne demande pas à un autre homme sa destinée. Il l'a fait lui-même de son travail. Il prépare un monde nouveau. Il porte noblement sa mission. Itsecom, pour parler la langue de Tacite. Il marche dans son indépendance. Si le moi absolu est quelque part, il est dans sa pensée. Il vient d'atteindre l'âge de raison. Il jette un regard vers l'ouest. Il attelle sa voiture. Il suspend l'âge à son côté. Il embrasse sa famille. Il fouette son cheval. Il marche ainsi des journées entières, cherchant à travers les défilés un campement convenable pour son existence. Lorsqu'il a trouvé l'Éden de son ambition, il met l'âge au pied des arbres de la forêt. Il déblaie le terrain, il sème un champ de maïs, il construit une cabane, il attend l'heure de sa récolte, il la moissonne rapidement, il ferme la porte sur sa provision, il attelle de nouveau son cheval et retourne dans la société. Il a un domaine maintenant, il veut le compléter par un ménage. Un mariage est vite conclu en Amérique. On ne demande pas comment vivront les enfants. Comment ils vivront sous ce ciel de bénédiction? Ils émigreront aussi à l'époque de leur majorité. Il épouse une compagne au premier village venu. Il reprend avec elle le chemin de sa cabane. Mais cette fois-ci, il emmène un mobilier complet et un troupeau. Quelques années plus tard, le prédicant méthodiste passe à cheval devant cette ferme improvisée et il voit à la porte des enfants jouer sous l'arche embaumée d'un rosier. Une famille est déjà née là où était encore hier la solitude. Le soleil levant sourit à travers les arbres du verger. L'abeille bourdonne dans le premier rayon du matin, et là-bas, plus loin, la vache paît tranquillement l'herbe miraculeuse, sans cesse broutée et sans cesse renaissante sous la dent du bétail. On a voulu voir dans Robinson Crusoe l'homme replongé à l'état de nature et condamné à recréer pièce à pièce toutes les industries de l'humanité. Il n'en est rien. Robinson a précisément sauvé du naufrage les premières armes de la civilisation, la hache, la scie, la vrille et même la poudre à canon. Le roman de Daniel Defoe est tout simplement le poème épique de la colonisation. Robinson est l'idéal du pionnier, d'abord cultivateur, ensuite propriétaire, et enfin, avec le temps, souverain et législateur du territoire qu'il a repris à la nature et rattaché à sa patrie. De là, l'immense popularité de ce roman en Angleterre au XVIIe siècle, à l'instant même où le calvinisme persécuté allait chercher une Bible à la main, une nouvelle terre de Canaan de l'autre côté de l'Atlantique. Aussitôt que la marée montante de l'émigration a répandu dans le désert un certain nombre de colons, alors le forgeron, le charpentier, le tailleur, le marchand, le médecin, l'instituteur, l'avocat viennent chercher cette clientèle éparse et lui constituer un centre commun. La maison monte à côté de la maison, car l'industrie est sympathique par nature à l'industrie. Une ville de plus germe lentement au soleil. Elle croît dans l'espace par une mystérieuse chimie. C'est d'abord un groupe de maisons, puis un village, puis un bourg, puis une cité. Une circonstance du sol détermine ordinairement cette agglomération. Tantôt un lac, tantôt une vallée, tantôt une route, tantôt une rivière. Ce qui se passait en France à l'époque de la féodalité se renouvelle à 1000 ans de distance sur la lisière de l'Amérique. Seulement, ce n'est plus à l'ombre du donjon que la ville naissante vient élever ses murailles. Le donjon était un protecteur armé qui forçait le plus souvent la population de camper en tumulte sur le rocher. L'Amérique remplace aujourd'hui cette tutelle crénelée de la barbarie par une police spontanée nommée au scrutin. Le village choisit son terrain dans la condition la plus favorable pour le transport et pour le commerce. Une nouvelle recrue de travail accourt sans cesse à ce nouveau rendez-vous d'activité. Le toit afflue derrière le toit, la rue prolonge la rue au regard. La végétation de la ville, aussi rapide que la végétation de l'arbre, étend ses rameaux de tous côtés. Une école est bâtie. C'est toujours la première dépense de l'association. La prière habite d'abord la même salle que l'école, mais bientôt elle prend son essor. Elle revêt une autre architecture. Elle plane au sommet d'un campanile et la cloche célèbre enfin dans le vent du ciel l'inauguration de la nouvelle commune. La République américaine opère donc un double mouvement de dispersion et de concentration. De dispersion pour défricher, de concentration pour coloniser. C'est ainsi qu'elle bat sans cesse, abattant devant elle l'immense rempart murmurant des forêts, déployant sans cesse à sa ceinture une nouvelle ligne de population, ajoutant sans cesse un état au contingent de ses états, remontant sans cesse le cours de ses 18 fleuves navigables, jetant sans cesse de nouveaux steamers autour de ses nombreuses Méditerranées, échelonnant sans cesse de nouvelles cités dans la vallée du Mississippi, refoulant sans cesse la sauvagerie, gagnant sans cesse du terrain sur la solitude, plongeant sans cesse dans l'inconnu, incorporant sans cesse la terre à l'humanité et reculant indéfiniment sa frontière. Hier, sa capitale était au centre. Maintenant, elle est à l'extrémité du territoire. Hier, la République était une colonie. Elle est aujourd'hui une nation. Elle envoie continuellement à l'ouest des villages d'avance, bâtis en planches qui tombent en poussière et ressuscitant en pierres de taille au bout de quelques années. Elle marche au pas de course, elle accumule les travaux dans des minutes et gagne le temple de vitesse. La vapeur siffle partout. La surface du sol n'est qu'une vaste machine haletante, incessamment occupée à scier, à tisser, à broyer, à laminer, dont l'ébranlement, dont le mouvement frémit et rayonne en longues ondulations à toutes les parties de la circonférence. Elle sait quelle est la civilisation. Elle doit toujours porter la vie dans l'espace. Elle prend le pas de Dieu pour cela. Elle contrefait le miracle. Elle recouvre l'abîme d'une claire-voie, et sur cette chaussée à jour, elle traîne au flanc d'une locomotive des rues entières de wagons pour jeter d'un seul coup une population au désert. À voir le peuple américain, partout impatient de la distance et partout présent, on dirait un immense briaré penché, les bras ouverts, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, pour embrasser le continent tout entier. La gloire désormais a changé de nature. L'homme de guerre n'est plus le héros. Le héros maintenant est l'homme de la colonisation. Voyez le soldat russe campé au pied du Caucase. Cela vit passif, inerte, rangé, aligné, taillé sur le même patron, couvert du même uniforme. Cela remue cependant, mais comme pressé par un ressort, sur un signe, sur un ordre, sur un geste, sur un coup de baguette. Cela va machinalement chaque jour de la caserne à la parade et retourne en cadence de la parade à la caserne. Cela sait tuer, cela sait mourir, voilà tout, parce que cela a une baïonnette au bout d'un fusil et qu'une baïonnette en Russie doit servir à quelque chose. Je conçois que ce soldat-là soit pressé de courir au combat, car au feu seulement, il commence à soupçonner en lui, sous son épaulette, un être vivant. La mort est pour lui une distraction. Il meurt joyeusement pour rompre la monotonie de l'existence. Mais en définitive, que reste-t-il de son passage sur la terre après cette pluie de plomb que l'histoire appelle une bataille? Une odeur de cartouches brûlées et une poignée d'engrais pour une motte de sillon. Tout au plus, la famille du moissonneur, en voyant le blé plus épais à la place où il est tombé, saura peut-être encore l'année suivante qu'il a vécu. Mais quel service a-t-il rendu à la civilisation? Quelle richesse a-t-il créé à l'humanité? Quelle œuvre a-t-il emporté avec lui dans une autre planète? Quelle herbe plantée de sa main a-t-il laissé derrière lui sur le dernier sentier pour rendre témoignage de son utilité au dernier enfant? Il a fourbi 360 fois par an la boucle de son ceinturon et en fin de compte, il a servi à conquérir un bout de rocher à l'empereur de Russie. Le lion blessé regagne à pas lents son buisson pour mourir. Il a été courageux lui aussi, à un moment donné. Du moment que ce genre de courage est un mérite, je réclame pour lui la priorité. Si l'héroïsme est encore quelque part dans le monde, il est sous la veste du hardi pionnier américain, qui attaque corps à corps la nature géante du premier jour de la création, qui traverse, la hache à la main, un chaos de verdure, qui met le sol couvert de ténèbres en communication avec le ciel, qui déblaie infatigablement la place d'une nouvelle humanité, qui sème la vie où était le néant, qui dépose la pensée où était le silence, qui plante la rose où était le poison, qui répand la semence où était la vipère, et qui appelle l'homme de toutes les contrées au bénéfice de son travail, qui accueille à son foyer le proscrit de toutes les patries, qui enrichit le monde en s'enrichissant le premier, qui multiplie le commerce de toute la part d'échange qu'il porte au marché, qui décuple le chiffre de sa population dans le rapide intervalle d'un berceau à un tombeau, qui travaille du lever au coucher du jour sans jamais laisser à la sueur de son front le temps de sécher, qui développe en lui par le travail une nature au-delà de l'humanité, qui prouve par son exemple cette loi du Dieu vivant que le progrès est un accroissement de vie, que l'accroissement de vie est un infatigable avènement à l'espace par le mouvement, à la durée par la rapidité d'évolution, et en même temps, par la même raison, à toutes les formes, à toutes les forces, à toutes les occasions de volupté ou d'idées, de sensations ou d'actions éparses, flottantes dans la durée ou dans l'immensité. Un économiste a dit un jour que le pionnier de l'Ouest gagnait à chaque génération un pouce de hauteur. Je le croirais volontiers. Il est le titan d'une autre genèse. Il porte en lui un homme nouveau. L'Antiquité admirait le peuple grec pour avoir été dans son temps le faiseur de grandes choses. Que dirait-elle aujourd'hui du peuple américain? Mais ce peuple élu, chargé du message de l'avenir, accomplit en ce moment une œuvre plus grande encore que la conquête d'un continent par la charrue et par l'industrie. Il résout pour le monde entier, par sa propre expérience, le problème tant de fois repris, tant de fois ajourné de la démocratie. Il donne à tout homme né de la commune patrie un droit égal à l'instruction, égal à la souveraineté. Il dit à chacun « Tu penseras ce que tu voudras, et tu le diras en toute sécurité aux passants, pour le convertir si tu dis une vérité, pour en être converti si tu dis une erreur. Tu croiras ce que tu voudras, car Dieu a créé la conscience de l'homme pour être son tabernacle vivant, et aucune main du dehors ne doit ouvrir ou fermer sans ton consentement la porte de ce tabernacle. Tu choisiras dans la foule qui tu voudras pour mettre en commun avec lui ton activité ou ta pensée et obéir à cet inévitable besoin de sympathie que Dieu a déposé dans notre nature. Tu auras enfin toute liberté d'aller, de venir, d'adorer, de parler, de convoquer ton voisin ou d'assister à sa convocation. Autrefois, la beauté de la femme était un délit contre la société. La loi humaine condamnait alors la femme à sortir voilée. La liberté porte encore sur son front le même anathème. Ôtons-lui son voile pour la montrer dans toute sa splendeur. Le peuple américain a dit cela au temps de Washington, et depuis lors, il est le plus heureux du globe et le plus convaincu de son bonheur. Il y a en Amérique, sans doute comme ailleurs, l'impatience et la timidité. Mais dans ce flux et ce reflux d'opinions vaincues ou contraires, il n'y a pas un parti, pas un homme, qui ne bénisse sa constitution, qui ne la proclame avec orgueil la providence écrite de son pays. Pourrait-on citer dans l'histoire une autre forme de gouvernement qui ait partout recueilli l'unanimité et partout éteint la pensée d'une révolution? La démocratie est donc la paix, la liberté est donc la solution. L'ordre est là, vous le voyez. Pourquoi donc s'évertuerait-on à le chercher ailleurs? Monsieur de Tocqueville a eu la main assez heureuse pour écrire le premier La gloire de l'Amérique. La France l'a récompensé de cette bonne fortune par 13 éditions. Je n'ajouterai pas un éloge de plus à cet éloge universel du succès. Seulement, je recommanderai à mon pays de relire encore 13 fois ce bréviaire de la liberté. Eugène Pelletan.